il est une chose étrange. Permets que je te le dise. Pourquoi peins-tu leur visage avec toujours la peau blanche? L'enfant noir cherche une image qui serait un peu la sienne. Pourquoi l'enfant ne voit-il pas un seul, rien qu'un seul ange noir qui pourrait lui permettre de mieux prier le soir? Si la Vierge pâle dessine un ange très sombre au ciel de la cathédrale, que les couleurs se confondent. Dieu.